Le rassemblement pour le campement des enfants des zones nord sinistrées de la province du Hamgyong du Nord a eu lieu le 21 courant à la colonie de vacances internationale de Sangdo-won. Les vacanciers et le personnel enseignant et administratif de la colonie de vacances ont fleuri et rendu hommage devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans l'enceinte de la colonie de vacances. À la cérémonie ont figuré aussi des cadres intéressés. Au son du clairon, le drapeau de campement a été arboré. Les orateurs ont souligné que ce campement est dû au grand bienfait du respecté maréchal Kim Jong-un. Après la cérémonie, le personnel enseignant et administratif de la colonie de vacances a reproduit le spectacle pour les vacanciers. Rappelons que ces vacanciers ont quitté le 19 courant la gare de la jeunesse de Chongjin de la province du Hamgyong du Nord, salués par leurs parents et maîtres, les villageois, les militaires de l'armée populaire, les bâtisseurs et les membres de la troupe de choc.